malele. Malele. Oh, malele. Oh, malele. Des big big blé. Oh, des big big blé. Oh, des big big blé. Je suis un sauvage, mais pas esclave, ça va pas de soi. Malgré ma douche quotidienne aux enzymes, dans le métro, mon odeur assomme les illuminés. Je suis un sauvage, mais ils ont réussi à me faire chanter. Je suis fier d'être bourguignon, ils sont futés tout de même. Écoutez, arrêtez votre cinéma. Ce n'est pas parce que je prends un petit whisky que je suis imposable, hein? Avec quelle sauce préférez-vous être mangé? C'est l'État qui paye. Rongez-vous les ongles, vous verrez qu'il réagirait. C'est un faible. En me prostituant pour ma liberté, j'ai découvert le fric. Évidemment, je n'avais plus de salive pour cracher dessus. Oh. Je me suis aperçu trop tard qu'il exploitait la conscience par l'inconscience. Comme dit le concierge de la Maison Blanche, c'est un crâneur. Truquez tout, mais pas le rire tout de même. Papa. Si le curé a fermé l'œil, c'est qu'il espérait se faire pardonner. De grâce, ne lui lancez pas la première pierre. Vous en aurez besoin. Olé. Je ne veux pas monter pour que vous me lâchiez. Je préfère rester pour mieux nager. Je ne veux pas monter pour dégringoler. Je préfère rester pour me marrer.